Fidèle, fidèle, je vous sens bien fidèle. Oh, je suis d'une humeur assez gaillarde aujourd'hui. Serge, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ces 60 minutes à venir. Coup de cœur un petit peu spécial. Quelqu'un qui a disparu des radars depuis un bon nombre d'années. Je pense que vous allez le retrouver, le reconnaître à la première note musicale. C'était le mari d'une personne très, très célèbre. Écoutez plutôt. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Eh bien, c'est lui qui chantait Les oiseaux de Thaïlande. Rappelez-vous. Les arbres en fleurs en plein hiver et un grand fleuve au reflet d'or. Signe du ciel que nous pouvons vivre l'amour, vaincre la mort. Comme ces oiseaux de Thaïlande qui ne meurent pas dans la légende. J'ai passé des jours extra avec toi. Gentil, fou, stupide et merveilleux garçon. Salut, va. Ou plutôt, adieu. Alors c'est fini, on se quitte. Tu ne plaisantes pas. Là-bas, tu semblais si heureuse. Je ne comprends pas. Qui le sait, pourtant rappelle-toi. Des arbres en fleurs en plein hiver et un grand fleuve au reflet d'or. Signe du ciel que nous pouvons vivre l'amour, vaincre la mort. Comme ces oiseaux de Thaïlande qui ne meurent pas. Vous l'avez reconnu, vous y êtes. On est ensemble pendant une heure pour parler de Ringo, pour écouter ses chansons. C'est vraiment atypique hein, dans ce monde radiophonique. Je pense que peu de radios vont lui consacrer une heure de programme aujourd'hui. C'est Fadjet, c'est plus qu'une radio. Elle est inimitable, elle est unique. Alors, il s'appelait Guy Bell, hein. Il s'appelle toujours Guy Bell, mieux connu donc sous son pseudo de Ringo. Il est né en mai 47 à Toulouse. Il se passionne pour la musique dès son plus jeune âge. À ses débuts, il est rebaptisé par son très superstitieux producteur Claude Carrère, Ringo Willy Cat. Et figurez-vous que ce pseudo, il contient 13 lettres. 13 chiffres porte-bonheur. Alors, ce même producteur fait disparaître le Willy Cat à la sortie de son premier 30 cm et de son quatrième 45 tours en fin d'année 72 en raison de plaisanteries douteuses. Cependant, dès son deuxième disque, qui s'appelle « Elle, je ne veux qu'elle », c'est vraiment son premier grand succès, la pochette mentionnait déjà le simple pseudonyme de Ringo. Alors à ne pas confondre, bien sûr, avec Ringo Starr, membre le plus âgé des Beatles, dont Ringo Starr est le batteur de 1962 à leur séparation en 1970. Il est considéré par plusieurs musiciens, dont les trois autres Beatles, ainsi que par le public, comme un des meilleurs batteurs de l'histoire du rock. Alors on va écouter les deux Ringo, celui qui nous intéresse aujourd'hui pour son coup de cœur, Elle, je ne veux qu'elle, c'est son premier grand succès, et puis Ringo Starr dans Photographe. Trop fragile, trop belle pour rester seule, tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule, je ne conçois pas la vie. Prendre possession du destin de tes jours. Tu es celle qui pour moi symbolise l'amour. Timide, craintive, tu parais, mais moi je sais que tu es ardente, troublante, je veux. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je veux te voir vivre et sourire, épanouie, comblée, enfin heureuse. Je viens tout offrir. L'existence, je l'avoue, fut pour moi bien cruelle. J'entrevois grâce à toi un bonheur irréel. Brisé sans but, je vivais. Et puis voilà que j'essaie d'atteindre, de vaincre. Je veux t'aimer. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Ringo qui est à l'honneur aujourd'hui dans Coup de cœur. But all I've got is a photograph for now. écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Ils s'appellent tous les deux Ringo, ils sont tous les deux chanteurs, mais ils sont bien différents. Alors on revient à notre coup de cœur du jour, à son environnement et notamment à celui que j'ai cité tout à l'heure, Claude Carrère. De son vrai nom Claude Ayot, il s'agit d'un compositeur, parolier, chanteur et surtout producteur de musique française, né en décembre 30 à Clermont-Ferrand et il nous a quittés en avril 2014 à Paris. Au départ chanteur, il anticipe à la fin des années 50 que le marché du disque peut entraîner de grandes ventes chez les plus jeunes. Il avait le flair. Il mise sur des interprètes jeunes qu'il va rechercher en région parisienne, chanteurs ou chanteuses de bal, de bar, de cirque ou vendeuses en commerce, et qui présentent bien avec de vagues standards de la beauté à l'époque. Les jeunes qu'il va choisir seront ainsi les avatars de lui-même. À la SACEM, par contre, c'est lui qui recevra les droits d'auteur et de compositeur. Et contrairement à une idée reçue chez le public, les interprètes ne recevront pas grand-chose. Il s'associe à Jacques Play et lance en 1962 une jeune chanteuse qu'il nommera Sheila. Bien sûr, ils sont tous les deux indissociables. Il décide en 72 de devenir le distributeur de ses propres productions en fondant le label Distribution Carrère. Au cours des années 70, il produit et distribue les disques de Dalida, Claude François, Linda de Souza, Sacha Distel, Gérard Lenormand, etc., etc. Au milieu justement de ces années, de cette décennie, il est l'un des premiers producteurs français à croire au succès de la musique disco et il oriente sa production dans ce style. Il se lancera ensuite dans l'édition de livres et même la production d'émissions pour la télévision. On revient à notre coup de cœur d'aujourd'hui, c'est bien entendu Ringo, et je l'ai cité dans les Poulains de Carrère, donc une consœur de Ringo à l'époque dans cette maison de disques, c'était Linda de Souza, l'occasion de la retrouver, Tiroli, Tirola. Trop fragile, trop belle pour rester seule, tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je veux te voir vivre et sourire, épanouie, comblée, enfin heureuse. Je viens tout offrir. Laisse-moi prendre possession du destin de tes jours. Tu es celle qui pour moi symbolise l'amour. Tu parais, mais moi je sais que tu es ardente, troublante. Je veux t'aimer. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle. Je l'avoue, fut pour moi bien cruel. J'entrevois, grâce à toi, un bonheur irréel. Brisé sans but, je vivais. Et puis voilà que j'essaie d'atteindre, de vaincre. Je veux t'aimer. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je veux te voir vivre et sourire, épanouie, comblée, enfin heureuse. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Une vie ta vie qu'à moitié. Flying seal style, little, little, little. Little. Alors si vous venez de nous rejoindre, sachez que notre coup de cœur du jour, c'est Ringo. Alors ses principaux succès, au début de sa carrière, c'était « Elle, je ne veux qu'elle » en 71, « Trop belle pour rester seule »,« Ma jalousie » et le titre « Les gondoles à Venise » en duo avec Sheila qu'il venait d'épouser, qui a été un immense tube en 1973. Alors on va revenir sur l'histoire de cette chanson. Ce titre enregistré au premier jour de l'année 73 sera l'une des mélodies les plus diffusées en radio cette année-là. Au début des années 70, Sheila demeure l'une des chanteuses préférée du public et surtout celle qui vend le plus de disques en France. Elle réussit la belle performance de passer avec succès la variété de l'époque yéyé à la pop disco. Et en 71, Sheila enregistre Les Rois Mages qui devient un énorme tube. Au printemps de la même année, alors qu'elle se trouve dans les bureaux de son producteur, Claude Carrère, Sheila fait la connaissance de Ringo, le jeune chanteur-compositeur qui, ce jour-là, auditionne. Par la suite, on leur fera faire un roman photo en commun, je crois que c'était sur Télépoche. Baptisé Ringo Willy Cat par le producteur, il enregistre un premier 45 tours qui remporte un petit succès d'estime, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et c'est finalement avec Elle je ne veux qu'elle qu'il va connaître sa consécration. Avec sa belle voix grave, son allure virile et ses costumes flamboyants, il devient l'idole des demoiselles au début des années 70, et c'est parce que Sheila ne veut plus cacher sa liaison sentimentale avec Ringo que Claude Carrère, le producteur, leur propose d'enregistrer un duo ensemble. Il a déjà une petite idée, le producteur, hein, puisqu'il vient d'entendre le titre d'une jeune artiste débutante qui s'appelle Lana Sébastien, auditionnée par la maison de disques quelques semaines avant. Et la chanson composée par le frère et la sœur, Paul et Lana, s'intitule « Les clés qui n'ouvrent pas ta porte ». Alors le charme qui le caractérise, et surtout avec des arguments d'ordre financier, le producteur réussit à convaincre ces deux compositeurs de céder leur chanson au couple star du moment et de renoncer alors à la carrière solo de Lana. Ainsi réadaptée pour la circonstance, cette chanson retravaillée devient en quelques heures Les Gondoles à Venise. Et marketing oblige, le lancement du disque se fera quelques jours avant le mariage des deux artistes. Une cérémonie, je vous le rappelle, organisée le mardi 13 février 73 à 13h13 dans le 13e arrondissement, si c'est pas de la superstition, tout ça. Ce jour-là, plus de 700 000 personnes avaient envahit la place d'Italie à Paris. Et pour sortir de l'église, les deux tourtereaux seront presque étouffés par la foule en délire qui fredonne déjà le refrain des célèbres gondoles à Venise. Au total, sachez que plus de 800 000 exemplaires seront vendus avant l'été, un record et surtout une idée de génie qui sera reprise quelques semaines plus tard par un autre couple vedette, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Rappelez-vous, on a déjà écouté cette chanson dans Coup de cœur, J'ai un problème. Alors ce titre, Les gondoles à Venise, on va le retrouver tout de suite après. Et puis Sheila toute seule, puisque c'est un mois très important, c'est les 60 ans de carrière de cet artiste, dont on vient de parler longuement également, puisque c'était l'épouse de Ringo. On va réécouter samedi soir. Elle sera les 11 et 12 novembre prochains à Playel, donc pour ses 60 ans de carrière. Un titre qui a 43 ans et je pense que la semaine prochaine dans notre hit parade, il sera très très bien placé. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. Cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Alors si vous voulez nous rejoindre, hein, c'est toujours Ringo qui est à l'honneur dans ce coup de cœur. On va parler de ses succès. Alors, il y en a eu beaucoup. Une bague, un collier en 1973, Une heure, une nuit. Également ce que l'on est en train d'écouter en fond musical, Tentation. Et il s'agit d'un instrumental réalisé avec sa propre voix. Il y a eu aussi Accepte-moi, Remets ce disque en 1974, La rupture, Rosanna, Fille sauvage en 1975, Les oiseaux de Thaïlande qu'on a écouté en début d'émission, Comme hier, Se quitter est impossible en 1976, Les violons de Verlaine, Goodbye Elvis en 1977, Ma Pompadour, Fais-le-moi savoir, une adaptation de Make Me Know It, chanson d'Elvis Presley. Également Darling, chanson également chantée en anglais par Joe Dassin en 1978. C'est bon de te revoir, Qui est ce grand corbeau noir, adaptation de Video Killed the Radio Star des Buggles, écrite par Étienne Rodagil, auteur des chansons notamment de Julien Clerc. Tout ça c'était en 1979. Je vous propose justement de retrouver ce titre des Buggles, et puis ce sera à nouveau Ringo, Video Killed the Radio Star, tout de suite, Fille sauvage, juste après. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. T'abandonne, fille sauvage. cœur tu voyages. Mais quand tu es là, confiante dans mes bras, tu deviens mon esclave. Sans toi, ma vie est un désert. Sans toi, mes nuits sont un enfer. Le temps est plus facile à retenir. Le vent, plus docile à conquérir. Tes yeux sont l'océan de ma perte. Ton corps, la terre où je veux renaître. Mon amour défendu, vie sauvage, je croyais t'avoir perdu. Oh, vie sauvage, de cœur en cœur tu voyages. Mais quand tu es là, confiante dans mes bras, tu deviens mon esclave. Première qui meurt, dernier regard, et tu repars. Fille sauvage, toi mon amour défendu. Fille sauvage, je croyais t'avoir perdu. Fille sauvage, de cœur en cœur tu voyages. Ringo a été très présent dans le magazine Podium de Claude François entre 1972 et 1978, où de nombreux articles lui ont été consacrés et où il fut souvent en couverture notamment. Avec Sheila, bien sûr, il forme un couple médiatisé durant quelques années, le fameux mariage, puis la naissance de leur fils Ludovic en 1975 et enfin le divorce en novembre 1979. Ludovic, justement, qui est lui-même décédé en juillet 2017, il avait publié une autobiographie racontant sa vie avec, ou plutôt sans, son père. Et le divorce des deux vedettes a provoqué également une rupture de Ringo avec le producteur Claude Carrère. Une prestation de Ringo est à noter. Sur le plateau de Midi Première en avril 1977 en Dordogne, c'est très célèbre dans la petite histoire de la télévision. En effet, lorsqu'il interprète « La fille que j'aime », un manifestant, cheveux hirsutes et cigarette à la bouche, intervient avec une banderole à message politique. Le chanteur le repousse violemment tout en continuant son playback. Ironie du sort, au même moment, il dit dans sa chanson « Tenez-vous bien, je ne me battrai pas ». Alors ce titre, La fille que j'aime, on l'écoute tout de suite. Et puis juste après, Santiana. Alors Santiana, c'était le marketing de Claude Carrère. C'était un Ringo numéro 2, brun, ténébreux, une voix très grave. Il chantait à l'époque Petite femme. Si tu veux m'arracher la terre qui m'a vu naître, je ne me battrai pas, prends-la, elle est à toi. Si tu veux ma maison pour la réduire en cendres, j'irai dormir ailleurs, prends-la, elle est à toi. Si tu veux le fusil que je tiens de mon père, il est derrière la porte, surtout ne le vends pas. veux ma voiture pour passer la frontière. Les clés sont sur la table, prends-les, elles sont à toi. Mais la fille que j'aime, mais la fille que j'aime, jamais tu ne l'auras tant que je serai vivant. Mais la fille que j'aime, que personne ne vienne lui prendre sous mes yeux. Si tu veux ma guitare pour lui briser les cordes, je ne me battrai pas, oh là elle est à toi. Si tu veux boire mon vin et me voler mes bottes, un jour j'en aurai d'autres, prends-les, elles sont à toi. Si tu veux déchirer la photo de ma mère, elle est dans ma mémoire, tu ne l'effaceras pas. Et si demain tu tiens ma vie au bout d'une corde, elle ne vaut pas très cher, prends-la, elle est à toi. Mais la fille que j'aime, mais la fille que j'aime, jamais tu ne l'auras tant que je serai. Personne ne vient lui prendre sous mes yeux un seul de ses cheveux. Mais la fille que j'aime, mais la fille que j'aime, jamais tu ne l'auras tant que je serai vivant. Mais la fille que j'aime. Ne pleure pas ce soir, petite femme. Demain tout s'arrangera. Ne pleure pas ce soir, sèche tes larmes. Je resterai près de toi. Ne pleure pas ce soir, petite femme. Je ne travaillerai plus la nuit. Mes nuits n'appartiendront plus qu'à toi. Jusqu'à la fin de ma vie, tu verras, un beau jour, on quittera ce quartier. Mon amour, on ira de l'autre côté. Ne pleure pas ce soir, petite femme. Tu auras une belle maison avec un jardin plein de lilas qui fleurira. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Allez, on continue avec Ringo. Tous ces disques, au départ, étaient produits par Carrère. Et il a fondé en 1975 sa propre maison de production qui s'appelait Formule 1. Il l'a fait distribuer notamment par RCA en 80-81, avant que le label ne disparaisse, donc Formule 1. Le chanteur continua ensuite sa carrière sans grand succès entre les années 81 et 83. Son dernier disque, publié en 83 sous le label Delphine, s'intitule « J'ai toujours besoin d'amour ». La dernière apparition à la télévision de Ringo en tant que chanteur aura lieu le 19 mars 1983 dans l'émission de variété de Michel Drucker, Champs-Élysées. Je vous propose d'écouter « J'ai toujours besoin d'amour », donc le dernier titre enregistré par Ringo. Et puis, un jeune garçon qui était formaté dans l'écurie de Claude Carrère, c'était Roméo, rappelez-vous, « Je veux être un homme ». Je veux Fadjet sur internet, www.fadjet.net. Depuis la fin de sa carrière de chanteur, Ringo, qui a repris son nom d'état civil, s'est essayé à la restauration en ouvrant à Paris en 1985 le City Rock Café. Il reprend la salle également de spectacle Bobino, qu'il rebaptise le Wiz. Elle était revendue ensuite au journaliste Philippe Bouvard, qui lui redonne son nom d'origine. Il ouvre à Toulouse en 2000 le Jim McMahon. Et en difficulté, le restaurant est placé en redressement judiciaire en juillet 2001, puis en liquidation en avril 2002. Ringo est alors pris en main en 2001 par l'association La Roue Tourne, fondée par le comédien Paul Azaïs, et dont Janala Jarnach a été la première présidente. Cette association vient en aide aux artistes, aux techniciens du spectacle et aux anciennes stars déchues du show business en grande difficulté. Bien que Ringo soit l'auteur et le compositeur de certaines chansons, celles qui ont fait sa gloire furent écrites et composées par d'autres auteurs et compositeurs, et il était donc surtout un interprète. Aussi, rares sont les chansons diffusées à la radio après 1985. 2013, c'est l'année de son retour en musique avec une réédition de ses albums et un nouveau single. Mais en 2015, l'échec du retour de Ringo est confirmé. Il n'y aura pas de nouvel album. Son spectacle à l'Olympia, prévu en février 2015, est même annulé. Et la vente des rééditions de ses albums n'ont pas eu un grand succès. Ringo reprend contact avec l'association La Roue Tourne, où il tente de monter de petits spectacles dans des cabarets ou des grandes surfaces, parfois en collaboration avec Jean-Pierre Descombes, rappelez-vous, son ami de longue date des Jeux de 20h, mais ce sera de nouveau un échec. Toutefois, il estime avoir eu une carrière bien remplie dans le show business, avec quand même quelques 19 albums. Donc disparu des radars, il vivrait en États-Unis avec sa compagne Annick. Voilà ce que l'on peut dire sur Ringo dans ce coup de cœur. Nous allons nous quitter, non pas avec un titre en public, puisque je ne dispose pas d'un titre en public, mais avec le tout premier disque dont le titre phare était L'Homme. Vous allez l'entendre, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une chanson dont le sens des paroles peut être interprété de différentes manières. Je vous laisse écouter, je vous laisse juger. Une fleur de douceur, tu es un ange de pureté. Pour toi, je suis l'homme sans pitié qui veut le rêve et la pureté. Tu es une étoile sur la terre. Étoile et la garder. Je ne suis pas un monstre, je veux t'aimer. Je n'ai que toi dans mes pensées. Je ne suis pas un monstre, je veux t'aimer. Tu es le rêve de mes péchés. Que de souvenirs pour ceux qui ont vécu les années 70. La semaine prochaine, alors là, 100% de nouveautés, puisque c'est notre rendez-vous hit des coups de cœur. C'est le premier jeudi de chaque mois. Donc des titres qui ont quelques mois, des titres qui ont quelques semaines, des titres qui sont sortis il y a quelques jours, pourquoi pas, qui ont retenu toute notre attention, pour qui nous avons déjà eu un coup de cœur, pour lesquels nous avons déjà eu un coup de cœur. Donc je vous donne rendez-vous bien sûr jeudi à 17h pour les découvrir ensemble, un classement de 15 chansons. D'ici là, passez une excellente semaine et puis à jeudi sur Fadjet. Sachez que vous pouvez nous retrouver en podcast bien sûr 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Bye bye.